FM. For real. Avertissement. L'émission que vous allez entendre est le pilote du tout nouveau Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Certaines nouvelles pourraient être un peu vieilles, mais c'est seulement pour vous donner une idée du format de l'émission. Hein? Fait qu'à rentrer, mais regardez pas le ménage. Mathieu Plante Show commence maintenant. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, les séries québécoises adaptées dans d'autres pays pourront-elles un jour avoir du succès? Dans le segment Geek CNX, un service géolocalisé pour vous permettre d'éviter de croiser les gens subtilement. Et dans C'est un fait Tech Edition, quelle compagnie de commerce en ligne s'appelait Cadabra avant de devenir célèbre? Tout ça et beaucoup plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et maintenant, voici votre animateur, le seul, l'unique, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue à l'émission, je suis très heureux de vous accueillir, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Marc-André Coallier. Depuis que j'ai dit, mais c'est fou, il est pas rare pour moi d'entendre des commentaires comme 14 heures de Mathieu Plante par semaine, c'est pas assez, ou pourquoi est-ce qu'il a autant de chroniqueurs, c'est Mathieu que je veux entendre, ben je comprends votre douleur. Donc, vous connaissez peut-être mes chroniques reconnues mondialement comme C'est un fait, Sex Mess, ça te répond là et Kinky Sexy Time. Ces chroniques-là vont continuer tout l'été dans notre émission estivale Assemblage requis à la plage. Par contre, cet été, plusieurs chroniques ont dû se sacrifier par manque de temps et c'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle émission. De la chronique Geek CNX au segment télévisuel Television, en passant par C'est un fait Tech Edition, on va passer une heure ensemble sans chroniqueur pour le meilleur et pour le pire. Et évidemment, vous l'aurez marqué juste là parce qu'on vient de passer 2-3 minutes seul. C'est un petit peu plate de parler à moi-même. Pour vous et pour moi, donc pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Marie-Ève Picard. Salut! Voilà, Mathieu Plante! Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Très bien. Est-ce que tu te sens d'attaque pour le Mathieu Plante Show? L'émission qui tourne autour de moi, t'es l'une... quelque chose qui tourne autour d'une autre affaire? Ah, ben oui, c'est un vrai plaisir d'animer avec une vedette! Ah, ben... hein, c'est... Elle me complimente dès le départ, ça ne peut qu'être... Certain. Une bonne chose. Donc, si t'es prête, oui, on va commencer dans quelques minutes, mais pas là, là. Pas là? Non, pas là. Faut de la musique un peu pour cette émission-là. Ah ouais, t'as raison. Oh, okay. Ouais. Donc, on va entendre une formation, en fait, qui est très, très bonne. Très, très bonne. Ça va être Skyward et ça va être Popcorn Kid. On va entendre Popcorn Kid est le nom de l'artiste et Skyward est le nom de la pièce. C'est ce qu'on va entendre. C'est du chiptune. Pour ceux qui n'aiment pas de chiptune, comme je crois toi, Pas tant que ça, non, mais je vais faire une exception. Tu sais que c'est de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou qui est faite pour émuler les musiques de jeux vidéo, les vieux Game Boy, les Nintendo du bon vieux temps. Et moi, c'est mon genre de musique, puis c'est mon émission, fait que... OK, c'est correct. Donc, Popcorn Kid et Skyward, on écoute ça. Après ça, c'est la chronique Television. Vous êtes au Mathieu Plante Show, MPS. Mathieu Plante Show. Yeah. C'est fou. Dans vos oreilles. Hein? Commence bien, ça. Thank you. L'artiste Popcorn Kid et la pièce Skyward dans le Mathieu Plante Show, toujours avec Marie-Ève Picard. Bonjour. Et moi-même Mathieu Plante, évidemment. Hein? Eh oui. Hein, quand même. Qui d'autre? Oui, qui d'autre? Vous écoutez l'émission pilote du Mathieu Plante Show et on continue avec la première chronique de l'émission. Voici Television, Television. Television, Television, c'est évidemment la chronique où on parle de... Télé? Eh oui, dès le premier coup, tu vois. Est-ce que tu te rappelles à la télé les pubs, là, Body Break, ta-da-da-da, tu sais, c'est un couple, là, il y avait ça dans les années 80-90, puis à un moment donné, il avait lâché, puis on commençait à faire ça récemment. C'est un couple ontarien, c'est Hal Johnson et Joanne McLeod. C'est les deux personnalités à la télévision anglophone qui montrent aux gens comment être actifs. C'est comme un peu participation. Genre, ouais, ça me dit vaguement quelque chose, moi, mais je pense à ça. Participation. Et puis, ben, ils vont faire partie de la première distribution, en fait, de l'émission, de la version canadienne de The Amazing Race. OK. Qui joue en français à Évasion. Donc, les deux personnalités du fitness, si on veut, en Ontario, vont participer. Ils vont être une des 9 équipes. Et puis, c'est le site HuffingtonPost.ca qui les a mis au défi sur Internet, sur Twitter, entre autres, de s'inscrire. Et ils l'ont fait et ça a fonctionné. J'imagine que Amazing Race Canada voulait avoir une paire de vedettes. Parce qu'on sait, il faut tout le temps qu'il y ait des. Faut peut-être qu'il y ait un petit nom. Il va y avoir les deux bimbos. Il va y avoir le couple. Il va y avoir le couple gay. Il va y avoir les fitness icons. Donc, on a hâte de voir ça. Ça commence le 15 juillet prochain. Donc, un lundi. Oui, ça s'en vient. Et à 21h, version canadienne. Évidemment, au Canada, tout est une version canadienne de quelque chose d'autre en ce moment. Surtout des télé-réalités, que ce soit Big Brother Canada, qu'on aime bien. On a adoré regarder ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Real Housewives of Vancouver. Il y en a tout un paquet de ces émissions en version canadienne. Donc, on va regarder ça. Ensuite, toi, peut-être, même moi, je me rappelle pas de ça. On est un petit peu trop jeune, même si certains diraient que je suis beaucoup trop vieux. Oui? Qui dit ça? Stéphanie à Assemblage Requis, t'as envie de me traiter de vieux. En point. Faut la fesser. Et là. Donc, K 2000, Knight Rider. Est-ce que tu te rappelles la voiture qui parlait? C'était avec David Hasselhoff. Oh. Ben, encore une fois, vaguement quelque chose. Vaguement. Là, mais... Surtout ouais. David Hasselhoff, on se rappelle l'avoir vu. Surtout assis sur son auto. Donc, les aventures de Michael Knight et de sa voiture intelligente Kit se rapprochent du grand écran avec le recrutement d'un scénariste. Donc, ça va être une série télé transformée en film. Détentrice des droits, la Weinstein Company viendrait d'initier le projet en plaçant Brad Copeland à l'écriture de premier jet. Ce scénariste et producteur s'est fait la main sur les séries Arrested Development. Oh! On aime ça! On vient de se taper la série, il nous manque juste à regarder la version sur Netflix. Oui! Et donc, il a aussi travaillé sur My Name is Earl, une très bonne comédie qu'un jour on regardera. Oui. Ici qu'avec le film comique Bande de Sauvages, un pedigree qui laisse penser à une orientation plus comédie, donc humoristique, de K2000, alors que c'était une dramatique dans le temps. Fleuron de la télé des années 80, K2000 en français, suivait le quotidien de Michael Knight, policier passé pour mort, devenu le principal employé d'une compagnie de sécurité privée. Ce chevalier des temps modernes sillonnait les routes américaines en quête de justice à bord de sa voiture intelligente. Et fait intéressant, que peut-être que tu savais pas. Vas-y. La voix de Kit, donc la voiture intelligente, c'était celui qui jouait Monsieur Feeny dans Boy Meets World. Ben non! La comédie pour adolescents qui va revenir en version féminine avec Girl Meets World et dont on parle à chaque chronique télévision. Oui, hein? Oui, pas mal. Hein? Ben, c'est parce qu'on aime tellement ça. Ben, hein? C'est ça. Hein? On parle de ce qu'on aime. Hein? Et voilà. Donc, la série, on parle ici de Knight Rider qui s'est terminée en 86, avait eu droit à un téléfilm au début des années 90 et un remake qui était baptisé Le Retour de K2000. Je crois que c'était juste Knight Rider, il me semble, en anglais, mais c'était en 2008. Ça n'avait pas du tout marché. Comme toutes les séries qu'on ramène, là, que ce soit Charlie's Angels, n'importe quoi. Ça ne fonctionne jamais. Non, c'est jamais aussi bon. Sauf Hawaii 5-0. Ah oui, ça avait l'air quand même assez bon. Très bon et beau aussi, ça se passe genre... Je dirais, si j'avais à mettre un doigt, probablement à Hawaii. Hey, bravo! C'est très joli. Maintenant, tiens, parlons du Dernier des Mohicans. Le Dernier des Mohicans, le roman, est écrit en 1826. Il y a eu tellement d'adaptations de ce roman de James Fenimore Cooper. Ça va se transformer en mini-série pour les besoins de la chaîne câblée FX. La version cathodique du classique littéraire évoquera la naissance des États-Unis et la disparition des Amérindiens à travers une histoire prenant place au 18e siècle pendant la guerre des 7 ans. Opposant les royaumes de France et de Grande-Bretagne. L'histoire a déjà été, comme on disait maintes fois, adaptée au grand écran. La dernière transposition remonte à 92 avec Michael Mann, qui a dirigé Daniel Day-Lewis. Donc, la mini-série de FX bénéficiera de l'expérience scénariste de ce film, Chris Crow, donc le même gars qui va travailler sur la série. La chaîne à péage a démarré le chantier de multiples mini-séries, dont plusieurs évoquent d'autres événements historiques. Pas tellement mon domaine, mais je sais que c'est le domaine de bien des gens. Conquistadors, qui va parler de la conquête de l'Empire Inca. par la couronne espagnole. Mayflower, avec Paul Giamatti, qui va revenir sur, sur l'arrivée des premiers colons britanniques aux États-Unis. Stephen Gowan a choisi la guerre du Vietnam avec They Marched Into Sunlight. Une chance qu'ils n'ont pas tous choisi le même sujet. Parce que c'est ça le problème avec, mettons, les jeux vidéo. Tout le monde choisit la Deuxième Guerre mondiale. C'est maintenant le sujet, ça. Dans des registres différents, Alexander Payne prépare un drame biographique du célèbre braqueur de banque Willie Sutton. Ça, ça pourrait être bon. Sam Mendes travaille sur Grand Hotel, histoire d'un complot terroriste à Paris. Sean Ryan, créateur de The Shield, adaptera la série britannique Mad Dogs, dans laquelle quatre amis quarantenaires tombent dans la criminalité. La chaîne FX a d'ores et déjà donné son feu vert à l'adaptation du film des frères Coen, Fargo, en version série. On a déjà parlé de ça dans Television Television. Le résultat va être visible en 2014. Maintenant, transitionnons à Netflix. Oui, Netflix. Netflix qu'on aime bien, qu'on aimerait bien pouvoir se prendre si c'était pas du fait que la plupart des séries qu'on veut regarder sont pas dessus. C'est bien beau de payer. Un jour, peut-être. Un jour. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, toutes les séries vont finir par être un peu comme, sur iTunes. T'as pas le choix presque de mettre ta musique sur iTunes si tu veux avoir un succès. Ben oui. Peut-être qu'éventuellement, les gens vont dire faut que notre émission soit sur Netflix pour avoir du succès. Donc, surtout si la demande est là, ils n'auront pas le choix à un moment donné. Clairement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait sinon? On pirate! Oui! Ben, on n'a pas le choix. Donc, dévoilé le 11 juillet prochain aux abonnés de la plateforme numérique Netflix, Orange is the New Black est assuré de revenir en 2014 pour une deuxième saison alors que l'émission n'a même pas été diffusée encore sur Netflix. Netflix croit fortement en sa prochaine création originale. Pour preuve, la comédie dramatique élaborée par la créatrice de Weeds, Jenji Cohen, décroche une saison supplémentaire alors qu'aucun épisode n'a encore été dévoilé. Orange is the New Black retrace l'histoire de l'héroïne Piper, jouée par Taylor Schilling, une jeune femme incarcérée du jour au lendemain dans un pénitencier fédéral. Fédéral. Son crime, être sortie avec une ex-revendeuse de drogue, qui est jouée par Laura Prepon, qu'on a vu dans That 70's Show. Oh! Oui, ça va être bon. La copine d'Eric, à un moment donné. Donc, Piper va devoir troquer sa vie confortable à New York et son fiancé Larry, joué par Jason Biggs. Oh! Quand même des gros noms. Oui, quand même. Contre le fameux uniforme orange et une vie de prisonnière déconcertante, elle sera amenée à former une alliance inattendue avec une bande de détenus excentriques au franc-parler. La série émane d'une histoire vraie, c'est celle de Piper Kerman, emprisonnée durant 15 mois entre 2004 et 2005 dans une prison du Connecticut. Une expérience qu'elle raconte dans son livre Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. Les 13 épisodes d'une heure seront disponibles sur la plateforme dès le lancement de la série le 11 juillet 2013 dans les zones où Netflix est disponible, dont le Canada. Les 13 suivants se tourneront cet été pour une diffusion courant 2014. C'est la chose avec Netflix, c'est qu'ils diffusent tout d'une shot d'un coup. On aime ça, c'est le fun, parce qu'on a tendance à se taper les séries en rafale habituelle. Ouais, ouais. Et attendre 7 jours entre deux émissions. Et surtout aux États-Unis, avec les grands réseaux, il faut des fois attendre 2-3 mois avant le prochain épisode, puis ensuite c'est beaucoup trop long, là. C'est insupportable. Beaucoup trop long. Moi, je préfère même qu'une série soit terminée et pas juste une saison avant de l'écouter. Ben oui, parce que tu peux toutes les écouter un à la suite de l'autre, puis après ça, c'est fait. C'est ce qu'on a fait avec 19-2, saison 1 sur, sur Tout.tv. Stéphanie Paradis, qu'on connaît tous, nous avait suggéré d'y aller avant le 30 juin parce que le 30 juin, il retirait 19-2. Oui. On s'est rendu à la fin de la saison 1, début de la saison 2. Oui, quelques épisodes de la saison 2. Et comme de fait. Et elle n'était plus là. Ben non, et ils n'ont pas attendu à minuit le 30 juin non, au soir. Ben non, c'est vrai. Ben oui. C'est dans la journée, genre. Pas le fun. Une chance que il a fallu se rattraper avec quoi? Du piratage. C'est ce que ça donne. Mais oui, malheureusement, mais. Eux, ils pensent que les gens vont se rendre en magasin l'acheter dans 2-3 mois quand ça va donner qu'ils vont sortir le DVD ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Puis là, on l'avait déjà commencé. Fait que c'est évident qu'on voulait la finir. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Bref, allez voir la bande-annonce de la série dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire Orange is the New Black sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 000, le pilote de Mathieu Porcheau. Oui, ça a l'air bon. Très, très bon. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus les publicités de ces émissions de Netflix là, à la télé. On a vu des pubs d'Arrested Development sur les grandes chaînes. On a vu Orange is the New Black jouer aux demi-heures et ça dit exclusivement sur Netflix. Oui. Et c'est une bonne chose, je pense, d'annoncer à la télé que ça existe. Oui, ça donne le goût d'y aller puis de s'abonner. Sinon, c'est exact. Au pire, on pourrait même peut-être, pas nous, parce que je ferais jamais ça, mais enlever des postes de ta télé pour baisser ton prix et équivaloir le 10$ que tu vas mettre sur Netflix. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, je pense que oui. Ah, t'es intelligent quand même. Hey, merci. Ah oui. Moi, le prends. OK, OK. Ensuite, on parle de la CW, le grand réseau américain. Vous savez, aux États-Unis, il y a ABC, CBS, Fox. Mais il y a un autre réseau qui s'appelle CW, un petit peu moins connu, mais quand même aussi important. Et la CW s'intéresse à une telenovela. C'est un genre de téléroman version hispanophone. Une émission du Venezuela. Donc, Juana la Virgen connaîtra l'adaptation à la télé américaine menée par Jenny Snyder, qui s'est occupée de 90-210 Beverly Hills, truc. Oui. Nouvelle génération, la version la plus récente, pour la chaîne CW. Donc, la telenovela diffusée en 2002 au Venezuela racontait l'histoire de Juana Pérez, jeune fille de 17 ans qui se retrouvait enceinte accidentellement après une insémination artificielle pratiquée par erreur par un hôpital. Okay. Oh, par erreur. C'est un téléroman. Hmm. Tu n'es pas obligé d'être vraiment crédible. Le feuilleton a très bien fonctionné dans son pays d'origine, mais également au Brésil, en Colombie, au Mexique et en Espagne. Traduite en 9 langues, la telenovela a déjà été adaptée par un autre pays, l'Inde. Là, on parle d'adaptation, ça veut dire refaire les épisodes avec des acteurs locaux. Oui, ça, c'est beaucoup mieux, je trouve. Beaucoup mieux. Oui. En effet, moi aussi, je pense que j'aime bien les adaptations qui sont fidèles à l'original. Oui, fidèles, mais au moins, c'est avec d'autres personnages, puis ils peuvent donner leur petit grain de sel, puis c'est plus... Leur façon de le jouer, de se l'approprier. C'est ça. Tu sais, ça n'a pas l'air justement juste traduit, là. T'sais. C'est ça. Ce que je trouve... d'un côté, j'aime ça, mais j'aime bien aussi avoir la version originale sous-titrée. T'sais, j'aime pas quand. T'sais, la version originale doublée, j'aime moins ça. Ouais. Fait, moi, je prioriserais original sous-titré en premier pour ce que je préfère regarder. Ensuite, adaptation et ensuite doublage. J'aime vraiment pas les émissions doublées. On disait donc genre très populaire en Amérique du Sud. Les telenovelas trouvent également des oreilles attentives aux États-Unis, soit sous leur forme originale, soit en adaptation. On se rappelle de Ugly Betty. C'était quoi en français? Betty? Ma chère Betty. Chère Betty. Chère Betty. Proposée de 2006 à 2010 par ABC, cette déclinaison américaine de la série colombienne Yo Soy Betty la Fée était produite par Salma Hayek, actrice qui avait débuté dans ce genre de feuilleton au Mexique. Wow. ABC retentera sa chance la saison prochaine via Killer Women, adaptation de Mujeres Asesinas. Diffusé en Argentine depuis 2005. J'aime vraiment pratiquer mon espagnol. Ah oui, t'es bon. Merci. La version américaine s'intéressera à Molly Parker, ancienne reine de beauté récemment divorcée qui devient Texas Ranger. Cool. Les télénovelas aux États-Unis, ça a pas fonctionné 1000 fois non plus. Ils ont déjà essayé... pareil comme là-bas. Dans le fond, les télénovelas, souvent, ce qu'ils font là-bas, c'est que c'est des quotidiennes. Un peu comme les Feux de l'amour, des jours et des vies, des trucs comme ça. Donc, ça va être une quotidienne, une heure par jour. Alors qu'aux États-Unis, quand on a essayé ces formules-là à tous les jours, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a duré quelques semaines. Donc, si on le transforme en émission hebdomadaire comme Ugly Betty, ça pourrait fonctionner. Il y a des meilleures chances, oui. Il faut juste pas que tu te dises que c'est une adaptation d'une version. Tu fais juste comme si c'était une nouvelle série, puis ça fonctionne. Ben oui, pourquoi pas. Julie Snyder. Hein? Julie Snyder. Elle va animer un talk show commun avec Michel Drucker, l'animateur français. Je sais pas si tu t'appelles, en tout cas dans ma jeunesse, je me rappelle de son talk show qui jouait à TV5. Non, malheureusement. Non. Ben, ils vont animer ensemble, Julie Snyder et Michel Drucker. Ils ont tourné les premières images de leur talk show commun, L'été indien. C'est le nom de l'émission. Hey, on cherchait loin. Wow. Oui. Ça jouera même pas l'été, ça va être l'automne. Ce week-end dans la région de Charlevoix. Pas ce week-end, mais il y a un week-end récemment. Ils ont profité pour aller voir les baleines. Hein? C'est super intéressant. On dit que ça va diffuser à TVA et sur France 2. Donc, une version de 90 minutes. Hebdomadaire, j'imagine. Il s'agit d'un concept innovateur qui sera donc diffusé sur deux continents. Julie Snyder effectue un retour sur les ondes de France 2. En fait, ce que je n'avais pas remarqué au départ, c'est non seulement un retour au talk show pour TVA, mais c'est aussi un retour à la télé de France 2 parce qu'elle avait eu un talk show au printemps 2000. Elle avait animé Vendredi, c'est Julie. Un talk show qui avait été retiré aux fêtes de fin d'année, donc ça n'a vraiment pas duré longtemps. Non. Peut-être que celui-là non plus, il ne durera pas longtemps, on va voir, mais c'est un essai, un talk show hybride entre la France et le Québec. Est-ce que tu penses qu'on va avoir genre des invités qu'on ne connaîtra pas parce qu'ils vont être français? Ben probablement. Puis probablement qu'eux non plus, on va peut-être nous avoir des invités qu'eux ne connaîtront pas. Là. J'espère qu'ils ne feront pas. Parce qu'on nous dit dans l'article, j'ai sauté par-dessus, mais qu'il va y avoir Céline Dion dans le premier épisode. Mon Dieu. Est-ce que ça va être ce genre? Ta grande amie? Ben oui, exact. Ben oui. Mais ça va sûrement être ça, genre des giga vedettes du Québec, là, genre. La poignée d'artistes québécois qui sont rendus en France, genre Anthony Cavana. Ouais, exact. Ça va être ça toutes les semaines. Je sais pas si on va faire le tour vite. On verra bien. Ça commence cet automne, l'été des Indiens. Sesame Street va introduire un personnage dont les parents sont en prison. Mais pas à la télé, ça va être sur le web. Donc Sesame Street qui essaie de rejoindre une nouvelle démographie en présentant une marionnette, une mopette dont le père est en prison. Le nom du personnage est Alex. Dans le fond, il va essayer de rejoindre le public d'un enfant sur 28 aux États-Unis dont un parent est en prison. 1 sur 28? C'est vraiment beaucoup. Hein? C'est énorme. Aucun sens. Donc, Alex sera pas dans la série. Comme on dit, ça va être sur le web. Ça va être un kit d'enseignement en ligne qui va s'appeler Little Children Big Challenges. Le kit va être envoyé, ou l'ensemble, le petit paquet, à des prisons dans 10 États, dont New York, où on estime que 105 000 enfants ont des parents en prison. Wow! Juste à New York! C'est vraiment beaucoup, là. Wow, je peux comprendre l'idée du personnage. Alors, donc, selon le New York Daily News, Alex va dire à ses amis que son père ne pourra pas l'aider à construire une petite voiture jouet. Donc, à l'origine, il voudra pas parler de son problème. Et puis après ça, il va finalement le révéler. Puis il va y avoir un enfant humain qui va expliquer à Alex que lui aussi, son père est en prison. Donc, c'est ça. Ça va s'adresser aux enfants de 3 à 8 ans. qui vont vivre la même situation qu'Alex. Ouais, ça peut être une bonne idée. Les enfants vont pouvoir se relier à ça. Exact. Comme je me rappelle, je sais pas dans quel pays, mais je sais qu'il y avait un personnage de Sesame Street dans un autre pays qui était genre atteint du sida, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, par région, ils vont y aller avec qu'est-ce qui est le plus répandu pour essayer d'aider les enfants. Je trouve que c'est très bien. Maintenant, on se rappelle il y a quelques semaines de James Gandolfini, celui qui jouait dans Les Sopranos, qui était décédé. Ça fait le tour pas mal. C'est vraiment triste. Mais on nous dit que ça ne mettra pas en péril. Alors ça, c'est la chose importante à retenir. Vas-y. Ça ne mettra pas en péril l'adaptation américaine de Taxi 22 sur CBS, dont James Gandolfini était supposé être une des vedettes. Donc, au moment de sa mort en Italie, l'acteur et producteur américain était engagé dans le développement de plusieurs projets avec CBS et HBO. Parmi ceux-ci figure l'adaptation de Taxi 22, émission québécoise, là. Celui que vous pensez avec chose là, particulière, émission créée et développée par lui-même. Donc l'acteur phare des Sopranos était l'un des producteurs exécutifs de Taxi 22, série pour laquelle CBS avait commandé un scénario il y a quelques semaines. Selon Clark Peterson, ami de James Gandolfini et également producteur exécutif de Taxi 22 version américaine, le projet va suivre son cours. On va suivre ça, c'est certain. Et encore une autre série québécoise aux États-Unis. Oui. Est-ce que ça peut marcher? On a essayé au Canada anglais plusieurs fois, il y a eu rumeur. Oui, version ben oui, c'est vrai. Anglaise sur CBC. Il y avait Les hauts et les bas de Sophie Parker, qui s'appelait Sophie Parker. Et la chose intéressante, c'est que Les hauts et les bas de Sophie Parker a été adapté, donc refait avec des acteurs canadiens anglais pour CBC, c'est ça? Et après ça, ils ont retraduit en doublant pour la jouer à Siri Plus. Oh mon Dieu! Ouais, donc c'est ça. Et ça a duré genre 2 saisons. Mais la plupart des émissions qu'on... Je comprends pourquoi. Exact. Et c'était genre en format... C'était quoi au Québec? C'était des 1 heure, genre des heures? Oui, je crois que oui. Au Canada anglais, c'est des 2 heures. Tu sais. Non, tant qu'à adapter, adapte donc pareil. Et dans le même domaine, Maxime Roy... Tu connais l'actrice québécoise? Oui. Elle va être dans l'adaptation en anglais de 19-2. Est-ce que tu savais que ça s'en venait, ça? Eh oui, une version canadienne-anglaise. Ça fait quelques semaines que c'est sorti, donc on retravaille un petit peu ce sujet-là. Donc, la comédienne Maxime Roy sera d'adaptation en anglais de la série 19-2 qui va être diffusée à Bravo au début de 2014. OK. Maxime Roy, qui a confirmé la nouvelle sur Twitter, n'en serait pas à ses premières armes dans la langue de Shakespeare. Elle a joué notamment dans Heartland, dans MVP, deux séries canadiennes, et Sophie Parker, comme on a mentionné. Une autre Montréalaise, Mylène Dean Robic, sera aussi du projet. Mylène et Maxime joueront aux côtés de Jared Kiesel de l'émission Falling Skies et Adrian Holmes de Arrow, donc des vedettes, en tout cas Arrow, l'émission américaine, qui ont hérité des deux rôles principaux qui sont joués au Québec par Claude Legault et Réal Bossé. Le tournage des 10 épisodes de 60 minutes, donc là on suit le même nombre d'épisodes et le même nombre de minutes. Ça c'est bon. Déjà ça commence pas mal mieux. Ça commence bien. Et c'est une émission policière, ça fonctionne beaucoup. Ça risque de bien fonctionner. Exact. Donc, ça va se dérouler le tournage cet automne au Québec. Les boîtes de production Sphère Média Plus et Écomédia se chargeront de l'adaptation pour le marché anglophone, pardon, en collaboration avec Bravo. Ce qui est encore une bonne chose, que ce soit les mêmes boîtes qui ont produit les versions originales, ils vont pouvoir s'arranger pour avoir une bonne émission. À peu près la même chose. Mais elle va faire qui, Maxime? C'est ce que je me demandais aussi. Je sais pas. Est-ce que ça va... on pourrait mentionner n'importe quel personnage. Est-ce que ça va être genre Amélie? Audrey? Audrey, peut-être. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait être Bérangère, peut-être. On ne sait pas, avec les cheveux courts, peut-être. On ne sait pas. On va bien voir. Donc, Bruce Smith, qui a travaillé sur Durham County, et Jesse McKean, qui a travaillé sur Da Vinci's Inquest et Rogue, seront les coproducteurs exécutifs. CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, n'a pas retenu la proposition d'adaptation en anglais de 19-2, ce qui est bizarre parce que Radio-Canada et CBC, même chose, hein, et CBC a refusé d'adapter 19-2. Bon, je ne comprends pas. Et non, bravo. Hein, c'est plat. C'est plate parce que CBC, c'est un gros réseau. Mais oui. Et Bravo, c'est une chaîne spécialisée où il y a juste des reprises. On verra. Donc, Bravo. Ils s'en vendront peut-être les doigts plus tard. Eh, peut-être. En tout cas, j'aimerais ça au moins qu'ils fassent tous les épisodes québécois en anglais, genre jusqu'à la saison 3. Oui, au moins. Qu'on sait que ça s'en vient. Oui. Et en bref, George Takei, qu'on connaît de l'émission Star Trek dans le temps, va être à Comic-Con Montréal en septembre. On le reconnaît surtout pour son rôle dans Star Trek de 1966, dans lequel il incarnait Hikaru Sulu, homme de bord du vaisseau Enterprise. Il est apparu dans 3 saisons de Star Trek et a repris son rôle dans 6 films. Son nom, Takei, a été donné à un astéroïde découvert en 1994 entre Mars et Jupiter. George Takei a fait des apparitions dans différentes séries telles que Community, The Big Bang Theory, La vie de croisière de Zack et Cody. Psych et Heroes, le Comic-Con de Montréal qui se déroule du 13 au 15 septembre au Palais des Congrès. Voilà pour Television. Ouais. Oh, youpi! Comment t'as senti après la première Television pour toi? C'était pas mal intéressant. Les prochains sujets seront encore plus cool parce qu'on est dans le pilote, donc on s'est arrangé pour prendre des sujets pour essayer de se mettre la main un petit peu sur la main à la pâte, là, pour commencer. Voilà. Tiens, on va continuer avec une autre pièce musicale de ton style préféré. Arrête donc! Il n'y a personne autour de moi qui aime le chiptune. J'aimerais ça avoir quelqu'un qui parle de chiptune. Oh. Donc, on va entendre Infinity Hyperspace de Commissar. C'est le nom de l'artiste. Donc, on écoute ça. C'est très, très bon. C'est mon genre de musique chiptune. Du TNPS, le Mathieu Plancho. 89 FM, c'est fou. Pipou, pipou. Pipou, pipou. Retour les chroniques, c'est Elix et c'est un fait Tech Edition de TMPS, le Mathieu Plancho, c'est fou. C'est fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Toujours Mathieu Plante Show avec Marie-Ève Picard. Voilà! Hey, Mathieu Plante, évidemment, tout tourne autour de moi. Eh oui! Dans cette émission. C'est l'émission pilote, en passant, pour ceux qui comptent à la maison, c'est épisode 0. 0. 0. 0. 0. 0. Retrouvez les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Tout est là, tous les articles, tous les liens qu'on va mentionner plus tard pour aller visiter peut-être les galeries photos, des trucs comme ça qu'on va mentionner. C'est une très bonne idée. Oui, assemblagerequis.com, c'est le site web à aller voir. Nous, on continue avec la prochaine chronique, la deuxième de trois. Voici CNX. Et pour ceux qui l'ont pas reconnu, ben la personne qui a collé avec moi, Marie-Ève Picard, c'est aussi la fille qui avait tapé ça, là, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Es-tu bonne, hein? Es-tu bonne, elle a une belle voix. Là. Wow. Donc, Marie-Ève, continuons avec CNX et commençons avec les nouvelles. Vous savez, CNX est divisé en deux parties, les nouvelles et les sites web à visiter. Commençons par Foursquare, qui est une application, un service où on peut se check-iner. Tu sais, quand on entend l'application, l'expression se check-iner à quelque part. Quand je suis à la chasse, je check-in à la chasse et je deviens le maire de la chasse. Oui, exact. Donc, Foursquare, c'est ce que ça fait. Mais donc, ça peut rassembler les amis, mais aussi les éloigner. C'est la promesse de Hell is Other People, un site web qui utilise les données du service de géolocalisation pour permettre aux utilisateurs d'éviter leurs amis. Un peu comme sur Facebook, on peut aussi se check-iner quelque part. Là. Oui, c'est tout à fait. Donc, c'est basé sur la même technologie. L'enfer, c'est les autres, écrivait Jean-Paul Sartre dans Huit Clos. C'est également le credo du service du même nom, créé par Scott Garner. Ce dernier qualifie Hell is Other People comme une expérience d'anti-réseau social. Le site web utilise une connexion au compte Foursquare de l'utilisateur pour calculer les lieux optimaux pour éviter tout risque de croiser ses contacts dans la vraie vie. C'est très drôle. Ou sa famille, peut-être aussi. Oh, aussi, on sait jamais. Le service se base sur les check-in des contacts de l'utilisateur et sur sa propre localisation pour effectuer ses calculs. Bien évidemment, la fiabilité de l'ensemble tient sur l'exactitude des check-in qui doivent être récents pour être fiables. Donc, il faut que tout le monde ait fait son check-in correctement. Ce qui arrive pas. Il faut que le monde utilise Foursquare, ce qui n'est pas très fréquent non plus. Non, c'est ça. C'est encore nouveau, hein, je crois. Et voilà. Ben, c'est peut-être pas. C'est un peu comme n'importe quel autre service, comme mettons Twitter. T'sais, c'est pas nouveau, mais c'est nouvellement utilisé par les gens. Ouais. Donc, des fois, ça peut être. Encore assez populaire, maintenant. Vraiment pas. Il s'agit davantage d'une démarche artistique que d'un réel service utilisable au quotidien, nous dit-il. Et il est possible d'expérimenter ce service sur son site dédié, à condition de disposer d'un compte Foursquare. Donc, l'adresse est lisotherpeople.herokuapp.com. Allez voir sur assemblagerequis.com, c'est plus simple. L'arrivée prochaine des Google Glass, les lunettes de Google. Tu te rappelles, je t'ai vu un petit peu, c'est celui où tu peux prendre des photos, il y a un écran dans le coin de tes yeux. C'est vraiment cool quand même. Très cool comme concept, très cher à utiliser en ce moment d'ailleurs aussi. L'arrivée prochaine des Google Glass dans le commerce attise la psychose autour de la reconnaissance faciale non désirée. Un projet de l'Institut national d'informatique du Japon en profite pour revenir sur le devant de la scène. Déjà présenté en début d'année, la paire de lunettes élaborées par des chercheurs japonais est de plus en plus d'actualité avec des questions de vie privée brassées par les Google Glass. Et pour cause, ces lunettes promettent de bloquer toute tentative de reconnaissance faciale, qu'elle soit initiée par l'appareil de Google ou par tout autre dispositif. Les lunettes anti-reconnaissance faciale peuvent tenir leur promesse à l'aide de 11 LED infrarouges installées dans leur monture. Ouais, c'est assez brillant. Hein? C'est très, très brillant. La lumière émise est invisible à l'œil nu. Mais okay. Vu par les lunettes, un peu comme un écran d'ordinateur cathodique dans le temps, tu le voyais parfaitement bien. Et quand les caméras filmaient, ça devenait tout vagué. Ouais, ouais. Un peu le même genre de choses. Donc, la lumière émise est invisible à l'œil nu, comme je disais, mais un capteur... Qu'est-ce que c'est? Je me suis perdu dans mon texte. Le dispositif reste cependant inutile pour les appareils qui ne sont pas sensibles à l'infrarouge. Les chercheurs testent de nouvelles possibilités avec des matériaux réfléchissants pour contourner le problème et éviter par la même occasion de devoir alimenter les lunettes en énergie. Encore grossier, le prototype intéresse cependant déjà les entreprises qui voudraient exploiter le système dans de futurs produits. Alors, il y a la petite vidéo qui détecte les faces des gens avec des lunettes, et tu vois vraiment que les lumières LED de la paire de lunettes de la personne qui veut pas se faire reconnaître. Ouais. Ça, on dirait un ange. Un ange! On parle d'impression 3D maintenant, une prothèse qui pourrait permettre à un canard handicapé de marcher normalement. Génial. Après avoir reconstitué en septembre 2012 le bec d'un aigle et même plus récemment sauvé la vie d'un nouveau-né souffrant d'une affection à la trachée, la technique de la prothèse 3D pourrait permettre à un canard de marcher, selon le site Presse Citron. Mmh. Né le 9 novembre 2012 dans le laboratoire de biologie d'un lycée, Buttercup est un canard handicapé de naissance. Il est tellement cute! Donc, sa patte était tournée dans le mauvais sens. Oh. Sa patte gauche, ça l'empêchait de marcher sans se blesser. Pauvre-ti. Donc, recueilli par Feathered Angels Waterfowl Sanctuary, un refuge pour oiseaux basé dans l'état du Tennessee, son nouveau propriétaire, Mike Gary, a décidé de tout faire pour sauver le jeune volatile. En février 2013, il a d'abord fait amputer de sa mauvaise patte par un vétérinaire local. Il a eu l'idée originale de créer une prothèse en 3D pour permettre à Buttercup de se déplacer normalement. L'homme s'est alors adressé à Novacopy, une société spécialisée dans l'impression 3D, qui a élaboré un plan à partir d'une photo de la patte gauche de la sœur de Buttercup, une canne baptisée Mini. C'est cute. J'en veux. Oui. À partir de ce plan, Novacopy a pu imprimer un moule qui servira à créer une prothèse en silicone. Une fois fixée au genou du canard, cette prothèse devrait lui permettre de marcher sans se blesser. Bon, bravo. Vous pouvez même suivre ses aventures sur Facebook. Oui! Ben là, vous y allez tout de suite! En bas de l'article, il y a un lien Facebook pour la page de Buttercup. On y va! Vas-y, oui. Like it! Ça, j'adore ça, c'est génial. C'est Coffee TVT, qui est né d'un constat simple. Un niveau peu élevé de bruit favorise la capacité d'abstraction, véritable catalyseur de créativité. La revue Journal of Consumer Research a publié les fruits d'une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois. À travers 5 expériences, les scientifiques avaient demandé aux participants de réfléchir à des idées de produits et d'imaginer des solutions à diverses simulations imaginaires. La conclusion des chercheurs est que, alors que les bruits assourdissants constituent une distraction et que le silence total bride la créativité, un niveau sonore modéré de 70 décibels dope la performance. Donc, pas de bruit, t'es pas productif. Trop de bruit, tu l'es pas non plus. Donc, il faut avoir un entre-deux. Et mettre la musique, des fois, c'est que tu vas avoir les paroles, tu vas vouloir chanter, tu connais trop la chanson. Ouais, exact. Ça m'arrive, ça. Ben, moi ouais. aussi. Ou encore d'avoir une station de télé ouverte sur le deuxième moniteur de ton ordinateur. Ouais, exactement. Ça avance, oui, c'est dérangeant. Donc, Coffee TVT qui recrée l'atmosphère d'un café. Donc, discussion, rire, bruit de porte, cliquetis de couvert. C'est donc, vraiment cool. Hein? C'est cool. Ça peut s'avérer utile aux personnes qui travaillent à la pige de nuit ou de chez elles. Donc, pour obtenir le résultat optimal, le site conseille de régler le son de façon à ce que le volume du lecteur de musique soit légèrement supérieur à celui de Coffee TVT. Donc, dans l'application, c'est une application web, tu peux régler le volume de la musique et des effets sonores. Depuis son lancement au printemps, ce site connaît un succès fou à Séoul, en Corée du Sud, première ville utilisatrice de la nouveauté, suivie de New York, Londres, Los Angeles et Chicago. Donc, allez voir coffeetvt.com. J'y suis en ce moment et si tout va bien avec nos merveilleux ordinateurs, on va pouvoir entendre un extrait. Attention, on va choisir... Tiens. Ah, c'est merveilleux! C'est génial. Et tu peux choisir ta propre musique. Donc, tu branches tes écouteurs et okay. tu mets ta musique juste un petit peu plus fort que Coffee TVT. Et t'entends comme si t'étais au Morgane ou peu importe. Eh oui, hey, c'est vraiment cool. C'est fun, on pourrait quasiment faire le reste de la chronique là-dessus. Eh oups. Oui! Oh, si j'avais pas fermé la fenêtre, ça aurait été beaucoup mieux. Oh, Mathieu! Et mon, t'as dit. Mm. Donc, continuons avec le reste des nouvelles. Kickstarter s'en vient au Canada. Ouais! Le site de financement populaire Kickstarter accueillera à partir de la fin de l'été les projets basés au Canada, a annoncé l'entreprise. Le Canada devient ainsi le troisième pays à avoir accès à cette plateforme après les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, l'échéancier n'est pas encore déterminé. Les Canadiens pourront commencer à ébaucher leur projet d'ici 2 ou 3 semaines. Le processus de vérification leur sera ensuite ouvert quelques semaines plus tard. On vise la fin d'août ou le début de septembre, mais ils préfèrent dire la fin de l'été. Depuis son lancement en 2009, Kickstarter s'est établi comme la principale plateforme de financement populaire. C'est ce que c'est. Près de 44 000 projets ont réussi à recueillir un total de 580 millions de dollars US. Ah, c'est beaucoup. Les sommes amassées varient de quelques centaines de dollars à plus de 10 millions. Kickstarter conserve 5 % des contributions et aux États-Unis, il faut ajouter des frais additionnels de 3 à 5 % pour la gestion des paiements par Amazon.com. Si les projets les plus médiatisés et qui récoltent le plus ont généralement un lien avec la technologie, ce sont en fait les projets musicaux ou cinématographiques qui ont été les plus nombreux en bénéficier. On se rappelle, il y a une série télé Veronica Mars. Oui. Ils ont fait un projet sur Kickstarter pour amasser de l'argent pour faire un film. Oui. Ça a été un succès monstre. Donc, c'est rendu la nouvelle formule. Si tu veux produire quelque chose et que tu as des fans, faut que tu sois quand même un petit peu établi. Pas nécessairement. Si ton produit est vraiment une bonne idée, ça va monter dans les charts sur Kickstarter et le lien va se partager sur tous les blogs et tu vas finir par ramasser ton argent. Mm. Mais ça ne veut pas dire que le produit va être fabriqué. Non, c'est vrai ça. Il y a beaucoup de projets que les gens ont donné ça de l'argent. Pas. Ben non, et ton argent, tu l'as perdu. Oui, c'est ça, c'est fini, là. T'en reverras pas, là. Non, mais t'as essayé. C'est ça. De toute façon, c'est quoi 5-10$? Si t'as misé quelques milliers, peut-être. Parce que si tout le monde commence à se dire ça, personne va en mettre. Fait que ça ne marchera jamais. C'est l'idée. Maintenant, parlons de robots un peu. Des centaines de robots footballeurs venus des quatre coins de la planète ont débuté leur Coupe du Monde 2013 à Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas. Une compétition qui rassemble jusqu'à dimanche ou qui a ramassé la semaine passée quelques 2500 universitaires. L'article est quand même pas super récent. Les premiers matchs ont déjà été ardemment disputés. Un robot de la catégorie taille moyenne de l'équipe allemande a récolté un carton jaune pour avoir essayé de voler le ballon à son adversaire néerlandais alors qu'une pause avait été sifflée. Ah bon. Les robots écoutent pas. Les robots. Comme un chien. Mais non, c'est ça. Maud chien. Réunis par équipe de 5, ces robots ressemblent à des tabourets renversés et sont équipés de roues multidirectionnelles pour pouvoir se diriger où bon leur semble. Ils sont surmontés d'une petite tour abritant une caméra dirigée vers le haut et réfléchie par un miroir qui leur permet de voir autour d'eux. Mais ils sont vraiment cute. Oui. Une fois le match commencé, les robots sont autonomes. Leurs concepteurs impuissants et tendus suivent le déroulement de la compétition depuis le banc de touche. Les robots communiquent entre eux par Wi-Fi et via un logiciel développé par les universitaires. On sait que c'est pas Windows parce que ça marche. Ils analysent le jeu et décident seuls de passer à l'attaque ou de passer le ballon à un coéquipier. Le but avoué de la compétition est de parvenir d'ici 2050 à monter une équipe qui pourra rivaliser avec les champions du monde de football professionnel humain. secteur. Les robots devraient alors être de forme et de taille humaine et capables d'attraper le ballon avec les pieds, la tête ou la poitrine, de faire des passes et de marquer des buts. La compétition est venue des États-Unis, du Brésil, de Chine, du Canada, de Thaïlande et de France, notamment. Ces connaissances développées dans l'amour du ballon rond seront adaptées à d'autres domaines, mais aussi à différents types de robots. Plus loin, des robots sauveurs s'affrontent eux aussi. Ils sont capables de se déplacer sur des zones difficiles, d'ouvrir des portes, de monter des escaliers. Ils peuvent également, via une caméra thermique, identifier les victimes d'une catastrophe naturelle. Donc, c'est pas juste pour les sports, ça peut avoir une raison d'exister. Mon Dieu. Un bon exercice pour développer des meilleurs robots. Ensuite, Yahoo va déployer des mesures pour les internautes de moins de 12 ans. Les jeunes enfants qui vont sur Yahoo et qui cherchent des affaires pas correctes, là. Ah, il y en a-tu qui font ça? Je sais pas. De plus en plus jeunes, hein? De plus en plus jeune. Oui, quand même, hein? Yahoo explique vouloir renforcer ses mesures de sécurité en accord avec la loi américaine COPPA, laquelle prévoit de renforcer la protection des plus jeunes internautes. La FTC, Federal Trade Commission, l'agence permettant de contrôler les pratiques commerciales aux États-Unis, mettra en place une nouvelle réforme de la loi COPPA, qui est la Children's Online Privacy Protection Act, visant à renforcer la vie privée des plus jeunes internautes. Yahoo explique vouloir se conformer à ces nouvelles règles depuis le 1er juillet. La COPPA prévoit de réguler la collecte des données par les sites Internet pour les internautes de 12 ans et moins. La société déclare avoir mis en place un processus via lequel les adultes devront donner leur accord afin que les jeunes puissent continuer d'utiliser les services du portail Internet. Donc, si l'accord est donné par le parent, ça va pouvoir fonctionner. Yahoo précise que sans acceptation de ces nouvelles mesures de la part des parents, les enfants dont l'âge est repéré au sein de leur profil Yahoo ne pourront plus accéder à leur compte. Cette loi est applicable auprès des utilisateurs américains, mais Yahoo pourrait choisir d'appliquer le dispositif dans d'autres pays, dont le Canada, un jour. Mais est-ce qu'ils pourraient mentir sur leur compte et puis changer leur âge? C'est ça, Internet. À moins qu'ils demandent peut-être un numéro de carte de crédit, quelque chose comme ça, je sais pas. Faudrait. Parce que, moi, ouais, ça, c'est ce qu'il faut une preuve pour en avoir. Parce que sinon, c'est sûr que ça va venir, là, ça va être facile. Puis, ils peuvent mettre n'importe quelle date, puis... Je pense qu'il n'y a aucune façon, même si c'était une caméra, genre, qu'elle allait voir, là, quelqu'un peut avoir l'air plus jeune que son âge. Il n'y a aucune façon mais de voir. Non, il n'y a aucune façon, là. Mais l'idée est là, elle est bonne, puis... Ils n'ont pas le choix. On verra bien. Est-ce que tu connais le jeu vidéo Minecraft? C'est fait avec des petites briques, ça a l'air très genre 8 bits, là, super rétro. C'est comme des petites briques, puis les gens sont comme même leurs bras sont faits en petites briques, genre carrés. Non, non. En tout cas, c'est pas grave. Mais Minecraft s'en vient au Musée d'art moderne de New York. Donc c'est quand même un phénomène déjà reconnu comme phénomène de société. Minecraft vient d'être ajouté à la liste des jeux qui vont être accueillis par le Musée d'art moderne de New York cette année, aux côtés de Pong, Space Invaders, Asteroid, Tempest et Yars Revenge. C'est pas la première fois qu'un jeu plutôt récent est ajouté, puisque Portal et Cannabalt avaient déjà été honorés, entre autres. Notez qu'une console va aussi faire son entrée au musée, c'est la Magnavox Odyssey. Donc quand même, le Musée d'art moderne trouve que les jeux vidéo, c'est de l'art. Et en effet... Ben, ça là, quand tu regardes ça, là. Avec les scénarios qui sont écrits pour ça, les acteurs qui sont engagés pour... Oui. C'est de l'art. Et faudra que je te montre Minecraft, parce que c'est un des jeux les plus jolis que je trouve dans la vie. Oh. Je trouve ça beau, c'est beau, c'est beau. OK. OK. Donc voilà pour la portion nouvelle de CNX. On continue avec la deuxième partie, plus tour du web un peu. Donc j'ai trouvé quelques affaires plus ou moins intéressantes à aller voir sur Internet à temps perdu au bureau, entre autres. Au bureau? Ben là! dont un artiste qui a recréé la Barbie, la poupée Barbie, mais si c'était une vraie fille de 19 ans. Okay. Donc, je sais pas si c'est un objet qu'il a fait ou si c'est du Photoshop. J'aurais tendance à penser que ça ressemble à du vrai plastique. Mais bref, on voit sur la photo sur assemblagerequis.com une vraie poupée Barbie et celle que l'artiste Nicolai Lam a créée. Ah, c'est de l'imagerie 3D, voilà. Donc, il a utilisé les données du Center for Disease Control et leur mesure moyenne pour une fille de 19 ans aux États-Unis. OK. Et si on la décrit un petit peu, elle a un petit peu plus de postérieur. Oui, ouais. On peut dire ça, oui. Hein? Pas mal ouais. De cuisses. Oui, oui. Ventre proportionné. Elle a l'air d'une vraie fille, mais avec une tête de Barbie. Quoi. Ouais. Est-ce que t'aimerais mieux que les enfants puissent jouer avec des poupées Barbie grandeur réelle? Est-ce que ça devrait exister? Est-ce que Barbie devrait prendre ça en note et construire des poupées Barbie pour peut-être? Je sais pas. Je suis indécise, moi, là-dessus. Ça encouragerait peut-être moins les... les jeunes filles à s'anorexier. Ouais, peut-être, mais en même temps, tu sais, là-dedans, quand tu rentres là-dedans, il faut aussi l'éducation des parents, puis tout. Exact. Tu sais, quand t'es bien dans ta peau, que tes parents t'éduquent, puis te montrent que c'est pas la réalité, ben, ça devrait pas te déranger, mais c'est sûr que ça peut aider aussi là, si on voit pas tout le temps des modèles impensables à être. Tout à fait. Et peut-être que si c'est quoi, c'est Mattel qui fabrique Barbie, si Mattel s'intéressait à la réalité, ça leur coûterait vraiment cher à commencer à faire les poupées de chaque nationalité possible, chaque âge, chaque grandeur. Parce que là, à un moment donné, ça finit plus. Hein? Et chaque combinaison, bon, ça va être une personne qui est noire, mais de 6 pieds 3, une fille, mais en chaise roulante, mais ça commence à être trop. Là. Mais peut-être qu'ils devraient les rendre personnalisables. Oui, ça, par exemple, ça pourrait être... Tu t'achètes un tronc? Oui! Comme Monsieur Patate? Oui! Hey, ça serait pas peu, par exemple. Ça doit exister. Ça. OK, on passe ça sur Kickstarter. Ouais! Ça s'en vient au Canada, on aime ça. Ouais. Est-ce que tu te rappelles d'un épisode de la saison 2 des Simpsons où Homer fabriquait sa propre voiture quand il avait été engagé par son demi-frère Herb? Non, non, c'est trop loin. Bref, c'est dans l'épisode « Oh Brother, Where Art Thou? » Donc, c'est une réplique de la voiture, ce qu'on appelle le Homer. Et c'est par Porky Bimmer Motors, une version dans la vraie vie de cette voiture-là qu'Homer avait créée. Donc, évidemment, il faut le voir pour comprendre, mais c'est la voiture verte avec une cage en vitre et une espèce de gros haut-parleur. Puis, bref, c'était cool. En la voyant, là, oui, il me semble que là, ça me dit quelque chose, oui. Ça a été utilisé dans ben des pubs pour les Simpsons aussi. Donc, voilà, allez voir ça. C'est la version en taille réelle et pour les humains d'une vraie voiture de Homer. Ensuite, dans les films de science-fiction, dans les émissions de science-fiction à la télé, on parle souvent d'argent et on aimerait ça pouvoir convertir notre vrai argent en cet argent-là dans les films ou dans les émissions de télé. Donc, on peut prendre des dollars américains, des euros, des livres sterling, pas des dollars canadiens malheureusement, et on peut les transférer dans des franchises de science-fiction, par exemple les crédits de la Fédération, les Galactic Credits, les Galéons dans Harry Potter, entre autres. Donc, on peut convertir ça. Et l'argent aussi de Game of Thrones, les Gold Dragons. Donc, allez voir la calculatrice qui se trouve à l'adresse moneyinadvance.co.uk/sci-fi-currency-converter. Le lien est sur assemblagerequis.com. Par exemple, si mettons, on dit, bon, on va entrer, mettons, 100. On va prendre les dollars américains et on va convertir ça en argent d'Harry Potter. Attention, ça s'en vient. Il y a même les Sims 3, les Simoléons dans les Sims. Donc, allons-y avec les galéons d'Harry Potter. Conversion! Et ça nous donne 12 galéons et 90 dans Harry Potter. Ah, quand même. C'est un joli petit site. Et, ouais, c'est beau. Oui, il y a de la recherche derrière ça. C'est pas, on dit pas n'importe quoi. Ils ont vraiment pris les montants par rapport à ce qui était acheté, la valeur des affaires qu'on achète qui existe dans la vraie vie. Donc voilà. Ensuite de ça, c'est les plus grosses franchises de films en termes d'argent de tous les temps. Donc, c'est les gens chez BuzzFeed qui ont compilé cette petite charte qui nous montre les 32 franchises de films qui ont fait le plus d'argent, dont Twilight. Oui. Donc tiens! Twilight est dedans. Si on commence par le sommet, on voit la série des James Bond. Et on divise aussi, avec un code couleur, les différents acteurs de chacune des séries. Ah, ben oui. Quand même pas pire. Donc, en dessous de James Bond, t'as Star Wars, ensuite Harry Potter, ensuite l'univers Marvel, les séries de Tolkien, ça c'est le Seigneur des Anneaux, ouais. Batman, le Pirate des Caraïbes, Spider-Man, Indiana Jones, Twilight, Jaws, Rocky, Star Trek, Jurassic Park, et puis là, il y en a un paquet d'autres, donc allez voir la liste. C'est cool. Ouais, c'est très cool. Hein. Très bien fait. Oui. Ouais. Ensuite, on va sauter quelques petites affaires. Je vais y aller avec... Ouais, c'est ça, manque de temps, comment c'est de temps? des princesses Disney, mais refaites en sexy guerrières. C'est donc les princesses de Disney réimaginées en tant que guerrières par l'artiste Mike Roshock. Donc, on voit Ariel de La Petite Sirène. Eh oui, Cendrillon. Toi. Es-tu cute, Ariel? Bref. Je te dirai pas ça à toi. Elle est rousse, là. Cendrillon, Pocahontas, Blanche-Neige et Jasmine. Jasmine, c'est dans quoi, ça? Aladdin. Ah, ben oui. C'est ça? Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais donc, avec des costumes qui ont l'air vrais. Ouais, s'ils refaisaient ces films-là avec ces filles-là... Dis-moi pas que tu irais voir. Ça pourrait faire des bonnes porn. Ou juste des bons films. Je vais sauter encore par-dessus quelques affaires. On n'a pas le temps d'écouter des extraits audio, malheureusement. Allons-y avec la Fiat ici, le modèle Abarth 500 de la compagnie Fiat, qui est tellement rapide qu'on peut pas la suivre sur Twitter. Ben non! Oh, tu voudrais y aller suivre sur Twitter, mais tu peux pas. Comment ça? Pourquoi? Mais parce que ça. Je veux pas! C'est une belle campagne publicitaire, c'est que quand t'arrives sur la page Twitter de la voiture, le bouton follow est là, tu cliques, ça t'ajoute en tant que follower, puis une seconde après, ça t'enlève. Ben non! Puis ça te dit, la voiture est trop vite, tu peux pas la suivre. Ah! C'est bon, pareil. Je trouve que c'est intelligent comme campagne. C'est malade! Même si ça fait qu'ils ont zéro follower tout le temps. Ouais, mais c'est vraiment cool, pareil. Vraiment très cool. Est-ce que tu connais Vine? C'est fait par Twitter. C'est des petites vidéos de 6 secondes qui jouent en boucle. Donc, il y a une application sur iPhone, sur Android, où tu peux prendre des petites vidéos de 6 secondes et tu peux faire du montage et puis ça va rejouer en boucle tout le temps. Donc, Vine, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est pas Vine qui l'a fait, mais c'est Logo TV, une compagnie qui va faire une série en 22 épisodes sur Vine. Donc, à coup de 6 secondes chaque. OK. Ça s'appelle The Vines of Sauvignon Blanc. Oh! Hein? Donc, le réseau a annoncé ça sur Vine. Il y a des vedettes de 30 Rock, de Happy Endings et Girl Code qui jouent dans cette série-là. Et le premier épisode est en bas de la page. Et il y a du son, là. On mettra pas le son, mais... Ouais. En fait, je pense que je peux mettre le son. Est-ce que je peux? Si je baisse ici. Ah, ça va recommencer. J'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il te reste 2 minutes 6 secondes à vivre à partir de maintenant. Et le gars... c'est le premier épisode. Oh, c'est hot! J'imagine que ça va s'embellir avec le temps. Eh oui! Ça, c'est vraiment cool. C'est des artistes qui donnent une deuxième vie à de vieilles boîtes de pizza de Domino's. Domino's a changé de logo récemment. Oui, on a vu ça. Ouais, et donc, on utilise leur ancien logo et leur ancien matériel pour créer de nouvelles choses. Donc, c'est un projet sur Pinterest qui s'appelle Secondhand Logos. C'est beau, hein? Oui, c'est beau! Ça fait des petits carnets de notes. Donc oui, c'est, je pense qu'on va commander un produit de chaque affaire. Oui! Donc, c'est Crispin Porter & Bogoski, qui c'est une agence publicitaire qui a demandé aux gens de commencer à utiliser ces affaires-là. C'est des vieux... des vieilles pancartes, par exemple, des vieilles boîtes de pizza, des vieux chandails, des employés, des trucs comme ça. Donc, la plupart de ces choses-là sont à vendre. Et puis, donc, c'est ça. Ça a l'air cool, quand même. Une robe, même. Mais oui! Ah, j'avoue! Génial. Wow! On va terminer avec un dernier petit truc. Deux derniers petits trucs. Tiens, une vidéo d'une chauve-souris qui a été faite pour ressembler à la chanson thème de Batman. Parce que tu sais que les chauves-souris produisent des sons qui sont pas qu'on peut pas entendre avec l'oreille humaine. Oui. Et ces petits ultrasons-là ont été réduits numériquement jusqu'à des fréquences qu'on peut entendre. Et donc, on va entendre la chanson thème de Batman recréée par des chauves-souris. OK. Ouf. Hey! Pas génial. C'est pas beau de suite, ça, hein? Oh! OK. OK, on arrête. Donc, c'est des chauves-souris. Et on va entendre une autre chanson ici. Je vais la partir tout de suite pendant qu'on jase. Ça dit quelque chose, ça? Ben oui, regarde ça, toi. Donc, depuis que l'iPhone est arrivé dans les mains du public il y a 6 ans environ, le 29 juin 2007, c'est un des sons les plus connus. Les gens tout le monde a ça, là, même dans les émissions, là, c'est tout ça qu'ils ont. Et ça te fait penser que c'est toi qui sonne, mais c'est pas oui, toi. Oui, oui. J'haïs cette humotivité. Mais c'est devenu une chanson pop. La formation indie AGO qui avec cette chanson qui s'appelle Don't Call Me. Et, c'est quand même pas pire. Sa voix est cool, j'aime ouais, sa voix. Ouais, ben tu sais, en chanson comme ça, c'est pas si pire. Ça a du sens. C'est moins fatigant que juste comme ça. Est-ce qu'on écoute le reste? Ah ouais, là? Pas peu, mais on dirait vraiment que la fille, elle a comme 12 ans. Je trouve ça cool. Je trouve qu'elle a une belle voix. C'est différent. Oui, c'est beau, mais c'est très... c'est strident. Juvénile, oui. Ou juvénile, ouais. C'était peut-être les chauves-souris d'avant qui ont continué de chanter, on sait pas. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on a mentionné qu'on ferait c'est un fait Take Edition. Donc oui. Voici, c'est un fait Take Edition. Oui. Quelques petits faits, édition technologique pour C'est un fait qu'on connaît. C'est une chronique que je fais à Assemblage Requis d'habitude. Donc bien on, sûr. On l'adapte. On l'adapte pour le territoire du Mathieu Plancho. Donc, avec un partenariat entre la ville de Quinc. Quinc. Et Microsoft. Microsoft a créé une usine de filtration d'eau. Il l'a loué à la ville pour seulement 10$ par année. Donc, c'est une œuvre de bienfaisance, on dirait, qu'a fait Microsoft. Oui. C'est quand même cool. Ensuite de ça, une combinaison entre un lecteur de disquette et lecteur optique, donc de CD. Ça existe et ça s'appelle Floptical Disc. Je ne savais pas. C'est drôle, ouais. C'est bizarre quand même. Plus de gens dans le monde ont accès à un téléphone cellulaire qu'à une toilette. Hein? Triste. Plus de gens ont accès à un cellulaire qu'à des toilettes si on regarde, si on compte le nombre de gens qui n'ont pas accès à des toilettes. Mais c'est donc bien triste. Triste. Apparemment, le top des boissons vendues dans la cafétéria de chez Microsoft, donc les boissons préférées par les employés de chez Microsoft, ouais, c'est le lait. Du lait. Ouais. Et le jus d'orange. Ça, je peux comprendre. Ouais, le jus d'orange, ça va, là, mais du lait, ouais. Pas beaucoup de gens intolérants au lactose chez Microsoft. Ouais. 300 millions de photos sont envoyées à Facebook à chaque jour via Instagram. Et tabarouin. Très à la mode, Instagram. Oui. D'ailleurs, 5 millions d'images sont envoyées sur Instagram, mais pas sur Facebook à tous les jours. Quand même. Donc, c'était quoi tantôt? C'était 3 millions? 300 millions. 300 millions qui sont envoyés sur Facebook via Instagram et 5 millions qui sont envoyés sur Instagram. D'accord. Quand même. En 2085, l'horloge interne de la Sega Dreamcast va se rendre à sa limite. Chaque année... Non, si tu ajoutes une année en 2085 et tu te rends à 2086, l'horloge va revenir à 1950. Hein? Donc, la machine n'est pas faite pour se rendre jusqu'à... C'est dommage. Jusqu'en 2086. C'est comme le bug de l'an 2000, mais... Ouais, c'est ça. Pour personne, parce que personne n'a une Dreamcast à part les... Non, les c'est ça. Google s'occupe d'environ 1 milliard de recherches par jour. Et ça relâche environ 200 tonnes de CO2 par jour dans l'environnement. Mais comme nous disent les commentaires, même s'il y avait zéro recherche ou une recherche, ce serait quand même 200 millions de 200 tonnes pardon de CO2 parce ah ouais? que c'est les serveurs qui envoient ça, ce n'est pas les recherches en tant que telles. OK, ouais. Une fois qu'il est ouvert, il est ouvert puis c'est exact. Ah. Ensuite, Dell Inc. à l'origine s'appelait PCs Limited. Je pense qu'ils ont bien fait de changer pour Dell. Au moins, illimité, ça aurait été mieux. Limité, ça fait comme on a une limite. Ouais, c'est ça. Microsoft, on revient à eux, ont un brevet pour l'ouverture d'une fenêtre quand tu cliques sur un hyperlien. Et ce brevet-là va expirer en 2021. Donc, toutes les compagnies qui se servent de cette fonctionnalité-là doivent payer pour le brevet de Microsoft. C'est bientôt quand même, là. Ça sent bien. L'engin de recherche Lycos a été nommé en hommage à Lycosidae, qui est le nom latin pour une famille d'araignées qui s'appelle Wolf Spider, l'araignée loup. Ouais, c'est pas grave, j'aime pas les araignées. Non, c'est ça, j'irai même pas chercher les photos parce qu'on va voir les araignées. Non, moi non plus, ça ne tente pas de les voir. Le premier appel sur un téléphone cellulaire en public a été fait par Martin Cooper le 3 avril 1973. Ouais, c'est pas si. Il y a pas si longtemps. Hein? Ouais, mais en même temps, plus vieux que je pense. Ouais. Les ordinateurs d'Apollo 11 avaient moins de puissance à l'intérieur qu'un téléphone cellulaire moderne. Et. Hein, ça avance vite la technologie. Oui. 16 millions de chansons sont vendues à chaque jour sur iTunes. 16 millions. C'est beaucoup. Google a indexé son trillionième URL, donc son adresse, sa trillionième adresse le 25 juillet 2008. Donc, ça a monté très rapidement. Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, était un des premiers investisseurs de Facebook. Ah. Un visionnaire. Oui. 51% des gens qui lisent des magazines en imprimé et sur l'iPad préfèrent le lire sur l'iPad. Les gens qui lisent les deux... La moitié préfère le lire sur un iPad. Je sais pas, j'imagine que c'est moins encombrant, t'as pas à virer la page, tu fais juste tasser ton doigt. Ouais, mais quand même. L'écran est tellement beau sur un iPad. Oh, oh. J'en veux un. On a demandé en intro d'émission quelle adresse maintenant très connue utilisait le nom Kadabra avant de devenir populaire. Et bien la réponse est Amazon. Oh. Amazon s'appelait Kadabra. Kadabra. On peut utiliser le côté négatif d'une batterie 2A à la place de son doigt sur un trackpad d'un ordinateur. Ça envoie le même genre de courant. Ah oh, ouais? Ben, une pile 2A. Il va falloir l'essayer. Ouais. Les fondateurs d'Intel, on peut les remercier parce que c'est eux qui ont créé les premiers cubicules. En fait, pas créé, mais mis à la mode. Genre, c'est devenu à la mode après, les cubicules. Puis toi, tu dis qu'il faut les remercier? Ou les leur en vouloir pour le reste des temps. Tu travailles dans un cubicule, toi? Oui. T'aimes pas ça, hein? Ah, ouais, c'est pas super, là. Ils sont pas si hauts, là, mais je sais qu'il y en a des plus hauts, puis ça doit pas être le fun. Non. Hey, avec la chaleur qu'on a aujourd'hui, je voudrais pas avoir un cubicule pour animer. Oh non! Tu sais que dans Radio Enfer, on appelait ça un cubicule, le studio. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais compris ça. Non, ça marchait pas. Steve Jobs a déjà dit aux gens qu'il y avait un client sur iTunes qui avait acheté 29 500 $ de musique en 9 mois. Il y a une personne sur iTunes qui a déjà acheté 29 500 $ en valeur de musique. T'as. Il faut peut-être d'argent. Faut que ta carte de crédit ait une limite assez... assez élevée aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé direct, à ça. Ben non, c'est ça vrai. Ça passe. Là. Et voilà. En 9 mois. Je sais pas, j'imagine que t'achètes, tu payes, je sais pas. Ouais, mais c'est sûr que des fois aussi, à coup d'une pièce ou deux, trois pièces, tu t'en rends pas compte, là, mais ben, à un ça, moment donné... Moi, ça m'arrive, je m'en rends pas compte, en effet, mais il y a des limites, là. Non, c'est ça. Hey, 29 000. On reste dans le domaine de Steve Jobs, qui était obsédé par les rectangles à coins ronds. Et je le comprends. Tu sais, mon iPhone est un rectangle à coins ronds. Oui. Les MacBook, les iMac, tout ouais, est un... Ouais, c'est vrai, les c'est icônes. Comme arrondi, ouais. C'est beau. C'est beau, c'est très beau. C'est vraiment cute. Donc, il était obsédé par ça et c'est lui qui a imposé ça au designer de chez Apple. Il a bien fait. Mais ça. Et pour terminer, laisser une lumière, une petite veilleuse allumée dans le coin d'une pièce, hein, ça va coûter 1 cent par nuit. OK? 1 cent par nuit? 1 cent par nuit. Alors qu'une une couverture électrique que certains utilisent, ça coûte 7 cents par nuit. Et un ordinateur allumé, ouais, je devrais peut-être pas te dire ça, ouais, coûte 2 $ par jour. Tabarouette. Ouais. Après ça, on se demande comment ça se fait, ça nous coûte aussi cher que ça d'électricité, hein? Tu sais, les gens se demandent souvent la question, est-ce que ça va nuire à mon ordinateur? Est-ce que je devrais l'éteindre parce que ça va conserver mon ordinateur plus longtemps? Ouais. La question devrait plus être, est-ce que ça va me coûter cher d'électricité? Ben oui. Ouais, aïe, je pensais pas que c'était cher de même quand même. Moi non plus. Je pensais vraiment pas. Bon, on va leur tenir 2 $ par 24 heures, alors qu'une serviette, une couverture électrique, 7 cents par jour et une veilleuse 1 cent. 1 cent. Voilà. C'est tout pour cette fête Tech Edition. Et ça donne que c'est pas mal tout pour l'émission d'aujourd'hui aussi. Oh non! Oh no! C'est déjà fini! Oui, c'est tout pour le pilote du Mathieu Plante Show. On va se retrouver toutes les semaines, les lundis. Ouais. Entre 16h et 17h, ça commence demain. Demain, et lundi, oui, déjà. 8 juillet, avec toi, Marie-Ève Picard. Et oui, et toi, Mathieu Plante. Oui, allez retrouver les notes de l'émission et, toute la balado-diffusion sur assemblagerequipe.com. Oui, allez-y, là, allez-y. Allez retrouver sur cif.ca les heures de diffusion, donc les lundis à partir de 16h. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Le reste, on vous en parle une autre fois. Exact. Merci, Marie-Ève Picard. Hey, merci, Mathieu Plante. N'oubliez pas d'écouter Assemblage Requis à la plage les jeudis après-midi entre 14h et 18h, évidemment. Ouais, ouais, ça aussi, c'est pas pire. Ouais. On marche, fait chaud. Oui, fait chaud. Dans le studio. Ouais. On aimait ça. Pas grave, s'il fait chaud, on s'amuse. Ben oui. Miam de l'eau. Eh. Bon, bye. Bye.